Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D.